mets pas fin à tes jours, fais une chanson par jour, ça chasse les ennuis, l'ennui. Tire pas ta révérence, dis je suis donc je pense, donne encore une chance à la chance. Et ne dis plus bonjour, mais dis plutôt bon jouir. Car de chaque jour il faut jouir, sur terre on n'a qu'un seul séjour. Chanter seul la nuit, un kiss la nuit. Prends la sortie de secours et chante tous les jours. Dehors c'est le grand jour, l'amour. Coupe pas ton existence, prends-la, rends-la intense, selon ton idée et ton sens. Et ne dis plus au revoir, mais dis à l'embrassade. La langue des ambassades, en voilà se faire voir, se faire voir. Chanter seul la nuit, un qui se lâche.